France Inter, franceinter.com. Enfin, se diront certains d'entre vous. Oui, enfin, Monsieur X, répondant aux très nombreux courriels ou lettres que vous lui avez envoyés, a accepté de parler du 11 septembre 2001, c'est-à-dire de la plus importante action terroriste jamais perpétrée. Mais, disons-le tout de suite, s'il a tant tardé à évoquer ce sujet brûlant, c'est qu'il voulait échapper à toute accusation de manipulation et qu'il tenait essentiellement à écarter tout soupçon de conspirationnisme, ainsi qu'on qualifie désormais quelques-unes des théories qui remettent en cause la version officielle de l'administration états-unienne. Aussi, pour inaugurer cette série sur le 11 septembre, a-t-il d'abord voulu remonter aux sources, c'est-à-dire à l'invasion soviétique de l'Afghanistan et à l'implication des services américains dans le combat des Moudjahidines contre l'armée rouge. Mais, sans déflorer la suite de ce nouvel entretien avec mon interlocuteur, je peux d'ores et déjà vous dire que M. X a systématiquement mis en évidence toutes les zones d'ombre qui obscurcissent toujours cette monstrueuse affaire. Zones d'ombre à tous les niveaux, c'est-à-dire avant, pendant et après les attentats qui ont anéanti les tours emblématiques du World Trade Center. Zones d'ombre, enfin, qui ont permis de nourrir tous les fantasmes possibles. Et d'abord parce que les États-Unis n'avaient jamais été frappés aussi durement sur leur propre territoire. L'ampleur de l'événement justifiait donc la prolifération des théories et des hypothèses, d'autant que les mensonges et les manœuvres dilatoires des autorités de Washington ont forcément contribué à alimenter ce foisonnement de contestations et de questions dont certaines demeurent malheureusement sans réponse. Ah, ma. Un constat d'abord, le rapport de la Commission nationale d'enquête sur le 11 septembre a échoué à répondre à toutes les interrogations. Une commission d'enquête qui a longtemps été refusée par le gouvernement des États-Unis. C'est essentiellement la pression exercée par les familles des victimes qui a obligé le président Bush à réunir cette commission. Nous en reparlerons car la composition même de cette commission a donné lieu à de nombreux débats et controverses. Ouais, en gros, la Maison-Blanche ne voulait pas d'enquête, quoi. C'est ça. Et quand Bush a fini par céder, il a tout fait pour contrôler étroitement les travaux de la commission. Mais est-ce qu'on peut établir alors là, un parallèle avec la fameuse commission Warren qui a enquêté sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy? Oui, parce que là non plus, on n'a pas eu l'impression que la commission Warren avait fait toute la lumière sur la disparition du président américain. Donc, alors, pour résumer... Très provisoirement. Si Bush et son administration l'ont agi ainsi, c'est qu'ils avaient des choses à cacher. Ça me semble évident. Hein. Mais c'est la nature des faits à dissimuler qui est intéressante. Fallait-il simplement masquer une certaine forme d'incompétence? Ou bien s'agissait-il de nier des desseins beaucoup plus secrets? Et peut-être même des complicités. C'est toute l'affaire. Et je vous promets que j'examinerai ces divers points avec la plus grande impartialité. Mais auparavant, il faut parler de la genèse de tous ces événements, la guerre d'Afghanistan. C'est la guerre entre les Moudjahidines afghans et l'armée rouge. Hein. Oui. À la Maison-Blanche, où régnait alors Ronald Reagan, il est vite apparu qu'on tenait là une occasion en or. C'est-à-dire une occasion d'affaiblir l'empire du mal, hein, pour reprendre l'expression de Reagan quand il parlait de l'URSS. Exactement. Et très vite, les stratèges états-uniens ont compris que l'Afghanistan pouvait devenir le Vietnam des soviétiques. Par conséquent, pour atteindre cet objectif, il fallait aider les Moudjahidines. Et faire donc en sorte que les troupes soviétiques s'embourbent de plus en plus en Afghanistan. Il faut bien dire que Moscou est allé au-devant des désirs de ses stratèges de Washington. C'est-à-dire ? Les soviétiques sont intervenus militairement en Afghanistan en 1979. Il s'agissait pour eux de soutenir le régime communiste mis en place à Kaboul. Mais ils n'en sont pas restés là et ils ont entrepris de pacifier le pays. Ouais, on voit aujourd'hui combien c'est difficile. Hein. Oui, d'autant que l'armée rouge composée de conscrits n'était pas prête à mener une guerre aussi difficile contre un ennemi souvent insaisissable. La conséquence, c'est que Moscou a dû envoyer des forces spéciales et des hélicoptères de combat. C'est-à-dire qu'un niveau supplémentaire a été franchi. En face, il a bien fallu réagir. Les Moudjahidines en difficulté ont réclamé à leurs alliés d'accomplir un nouvel effort. Leurs alliés Les Pakistanais, essentiellement. Mais le financement de la guérilla était assuré par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et cet effort, bien sûr, a été consenti. Oui, à Washington, la CIA a poussé à la roue. Et contre les redoutables hélicoptères soviétiques, il a été décidé d'allouer aux Moudjahidines des missiles solaires Stinger. Une arme très très efficace. Et qui a fini par dissuader Moscou d'utiliser ses hélicoptères blindés et même ses MiG. À tel point qu'à partir de 1987, les analystes militaires ont estimé que l'armée rouge était sur le point de perdre la guerre. Mais, et c'est là où je voulais en venir, on a assisté à la concrétisation d'une étroite alliance entre les services secrets pakistanais, états-uniens et les Moudjahidines. Les Moudjahidines entraînés par ces services. Et en même temps, on a mis en place de nombreux circuits de financement qui ont donné lieu aux trafics les plus divers. Les services pakistanais, l'ISI, ont par exemple obtenu que toutes les livraisons d'armes américaines passent par eux, ce qui leur a permis parfois d'en conserver par devers eux, ou même de les revendre. En outre, les camions d'armes qui passaient en Afghanistan revenaient souvent chargés de drogue. Et certains généraux pakistanais ont ainsi bâti de véritables fortunes. Les gens de la CIA étaient au courant? Forcément. Mais ils avaient déjà couvert de tels trafics au Vietnam. Les Français avant eux, hein. Et d'ailleurs, c'est un ancien chef de nos services de renseignement, Alexandre de Maranche, qui aurait suggéré à ses homologues états-uniens de favoriser le trafic de drogue pour amoindrir les motivations des soldats soviétiques. Mais passons. Pour en faire des drogués, quoi. Ouais. En tout cas, on voit aujourd'hui que ce commerce a pris des proportions considérables et qu'il mine le pays. Ouais, vous avez tout à fait raison. Pendant, il y a encore plus grave. Grâce à l'argent saoudien et américain et à l'entraînement militaire qui a été dispensé aux Moudjahidines et à tous les sympathisants musulmans qui les ont rejoints, on a formé une véritable armée de militants aguerris et souvent fanatisés. Et quand les Russes sont partis en 1989, beaucoup de ces types se sont retrouvés désœuvrés. Et prêts à se lancer dans d'autres aventures, oui. Mais avant de poursuivre, je voudrais revenir sur un autre événement qui a certainement joué un rôle dans cette affaire. Je parlais de la mort mystérieuse en 1988 du dictateur pakistanais Zia ul Haq. Dans un accident d'avion. En fait, un attentat maquillé en accident. Zia, musulman intégriste, avait été tout au long de la guerre d'Afghanistan un allié fidèle des États-Unis. Et les Américains le lui avaient bien rendu. En effet. Il n'avait pas lésiné sur l'aide qu'il lui avait fournie, autant financière que militaire. Et l'importance de cette aide s'expliquait aussi par le fait que le Pakistan était sur le point de devenir une puissance nucléaire. Ouais, et donc le surveiller. Si vous voulez, enfin, quoi qu'il en soit, c'est grâce à cette alliance que Zia avait pu développer son armée et surtout construire un des services de renseignement les plus puissants du monde. L'ISI, c'est ça. Et cette montée en puissance a aussi coïncidé avec la croissance du fondamentalisme. Une croissance à laquelle l'ISI a pris part, en suscitant la création de mouvements islamiques armés. Au Cachemire, par exemple, ou dans les républiques soviétiques d'Asie centrale, majoritairement peuplées de musulmans, ou encore en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines, en Malaisie. Et tout ceci, alors, grâce aux armes fournies par la CIA. Et destinées en principe aux moudjahidines afghans. Alors, est-ce que tout cela a fini par faire peur aux Américains? Bon, c'est très possible. D'autant que Zia ne faisait pas mystère de ses ambitions expansionnistes dans la région. Alors, vous suggérez donc que les États-Unis auraient pu être tenter de liquider le président pakistanais? C'est très possible, même si ceux qui ont mis la main à la pâte, si j'ose dire, étaient certainement de hauts dignitaires de l'armée. Alors, les Américains s'étaient donc rendus compte qu'ils avaient contribué à la création d'un monstre? C'est ce que je pense. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Car même si Zia avait été éliminé, l'ISI demeurait. Et c'était désormais un état dans l'état. Et ça l'est toujours. Et on ne peut que le regretter, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ça, je vous le conseille. C'était d'autant plus préoccupant que parmi ces islamistes protégés par l'ISI se trouvait par exemple un certain Ben Laden. Ben Laden serait donc plus une créature de l'ISI que de la CIA. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ben Laden, il ne faut jamais l'oublier, a aussi bénéficié d'un parrainage important et même primordial, celui du prince Turki Ben Faisal, chef des services secrets de l'Arabie Saoudite. C'est ce personnage considérable qui l'a envoyé au Pakistan pour y monter une légion de volontaires musulmans destinés à lutter en Afghanistan contre les troupes soviétiques. Mais j'y reviendrai. Mais Ben Laden a quand même eu des contacts avec la CIA. Bien sûr, comme les autres acteurs impliqués dans la guerre, puisque c'est l'agence américaine qui fournissait les armes. Et les instructeurs. Mais Ben Laden, au cours de la guerre, a aussi noué des contacts très étroits avec l'un des plus célèbres seigneurs de la guerre afghan, le féroce Gulbuddin Hekmatyar. En tout cas, il est vrai que grâce à tous ses parrainages et à l'argent de sa famille et des dons récoltés dans le monde entier, Ben Laden a pu monter plusieurs camps d'entraînement qui formeront un peu plus tard le noyau dur du réseau Al-Qaïda. Rendez-vous avec X. Revenons à ce que M. X a appelé une occasion en or, c'est-à-dire la possibilité de pousser Moscou à s'enliser en Afghanistan. En fait, d'une façon encore plus machiavélique, il semble bien que les Américains ont préalablement poussé les Soviétiques à tomber dans le piège afghan, si j'en juge par les propos du conseiller du président Carter, Zbigniew Brzezinski, qui déclarait ceci en novembre 1997 à Vincent Jauvert du Nouvel Observateur. Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines a débuté courant 1980, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais

Saddam Hussein a commis la folie d'envahir le Koweït. Oui, on l'y a un peu poussé tout de même. Hein. Entièrement d'accord, mais enfin, peu importe. L'essentiel, c'est la conséquence, c'est-à-dire l'arrivée en Arabie Saoudite des troupes de la coalition qui vont déloger les Irakiens du Koweït en 1991. Et parmi ces troupes, il y a surtout une importante participation états-unienne. Pour Ben Laden, c'est épouvantable, un véritable viol de la terre sacrée musulmane. Oui, la terre du prophète. Et des saintes mosquées. Et ça va le déterminer à haïr les dirigeants saoudiens qui ont commis ce péché et les Américains qui ont été les instruments du viol. Alors même, si je sais qu'on en a parlé autrefois, c'est peut-être le moment d'évoquer plus précisément le parcours d'Oussama Ben Laden et de son irrésistible ascension. Je vous l'ai dit, Ben Laden est d'abord un pur produit des Saoudiens et accessoirement des services secrets pakistanais. Vous connaissez son histoire puisque sa biographie a été étalée dans de nombreux journaux depuis le 11 septembre. Sa biographie officielle en tout cas. Mais parce que tout n'est pas clair. Oh non. Et comment pourrait-il en être autrement puisque cet homme a cultivé le mystère et vécu très souvent dans la clandestinité. Alors, que savez-vous exactement de sûr ? Bon, les grandes lignes, si vous le voulez bien. Ouais. Son père, d'origine yéménite, s'est fixé très tôt en Arabie Saoudite, où il va construire une immense fortune. Dans les travaux publics. Oui, hein. Essentiellement. Même si au fil du temps, le groupe diversifie ses activités. Aujourd'hui, c'est une véritable nébuleuse dirigée par les nombreux héritiers de Mohamed Ben Laden. Ouais. Les frères d'Oussama. Et les demi-frères. Ben Laden, le père, a eu plusieurs épouses et une bonne cinquantaine d'enfants. Ah oui, quand même. Et s'il a pu bâtir cette fortune, c'est en raison des liens étroits, très étroits, qu'il a noués avec la famille royale saoudienne. C'est grâce à cela qu'il s'est vu confier des travaux comme la construction de mosquées ou la réhabilitation des lieux saints à la Mecque. Des travaux qui ne peuvent pas être effectués par n'importe qui. Ah ben bien sûr. Mais quand je vous parlais de diversification des activités de la nébuleuse Ben Laden, c'est à dessein. Car, et c'est l'une de ces fameuses zones d'ombre qui existent autour du 11 septembre, il est maintenant établi que les familles Bush et Ben Laden ont entretenu d'étroites relations d'affaires. Dans quel domaine d'activité ? Ah, le pétrole, bien sûr. Et en 1988, lorsque les affaires de Bush Junior périclitaient... Il était même près de la faillite. C'est hein. Exact. Ouais. Eh bien, c'est un Ben Laden qui a contribué à le remettre à flot. Ah, ça crée des liens. En tout cas, ça explique pourquoi, devenu président, George Bush a fait tout ce qu'il pouvait pour que l'Arabie Saoudite ne soit pas montrée du doigt après le 11 septembre. Alors que parmi les terroristes qui ont détourné les avions, il y avait une majorité de Saoudiens. Ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi... Deux jours après le 11 septembre, et alors que l'espace aérien américain était fermé, des vols spéciaux ont pu permettre à une bonne centaine de Saoudiens, dont des membres de la famille Ben Laden, de quitter en toute hâte le territoire des États-Unis. Et donc avec l'aval des autorités. Bah, obligatoirement. Alors pourquoi cette autorisation dérogatoire ? Pourquoi cette hâte ? Bah, à ma connaissance, il n'a jamais été répondu de façon satisfaisante à ces questions. La vie de ces Saoudiens aurait pu être mise en danger, non, après la révélation que les terroristes étaient arabes ? Oui, oui, c'est ce qu'on a prétendu, mais je n'y crois pas un seul instant. Ouais. Alors, quelle autre explication, à part les liens personnels de Bush avec les Ben Laden ? Eh bien, ça me paraît clair. La Maison-Blanche voulait éviter à tout prix qu'on ne pose des questions gênantes à ces Saoudiens. Des questions quoi ? Sur leur éventuelle implication dans la préparation des attentats ? Ben, ça me semble évident, non ? Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Son livre s'intitule « La face cachée du 11 septembre ». L'auteur Éric Laurent s'interroge sur le départ précipité des Saoudiens dont vient de parler M. X et il écrit ceci. Dans une lettre adressée au président Bush pour réclamer l'ouverture d'une enquête, le sénateur démocrate de l'État de New York, Charles Schumer, écrivit. Quelle qu'en soit la raison, il apparaît que ces Saoudiens ont obtenu un laissez-passer du gouvernement américain, et ce, en dépit de leur connaissance potentielle des événements du 11 septembre, autorisés 140 Saoudiens. a quitté le territoire des États-Unis sans interrogatoire du FBI, malgré leur lien potentiel avec les attaques terroristes, est clairement un éclatant échec dans l'enquête. Il s'agit d'un autre exemple des privilèges affectueux que nous octroyons aux Saoudiens. C'est presque comme si nous voulions éviter de connaître les liens qui pourraient exister entre ces hommes et les attentats. Dale Watson, l'équivoque chef du contre-terrorisme au FBI, fournit une réponse embarrassante. Il n'y avait aucune raison de mener des discussions ou des interrogatoires avec ces personnalités. L'ouvrage d'Éric Laurent a été publié aux éditions Plon. Alors après cette parenthèse éclairante, opérons un retour en arrière et revenons à la biographie d'Oussama Ben Laden, que j'avais commencé d'esquisser d'ailleurs. En raison des relations de son père, le jeune homme fait ses études en compagnie des princes de la famille royale. Ah ouais, quand même. Et quel genre d'études ? Technique et commerciale. Oussama, presque naturellement, est destiné à entrer dans le groupe familial. Ce qu'il va faire ? Oui, au milieu des années 70. Est-ce que c'est déjà un musulman fondamentaliste ? Vraisemblablement. Mais en Arabie Saoudite, on n'a guère le choix. Pour réussir et être bien vu de la famille royale, il faut épouser la cause wahhabite. Oui, c'est-à-dire celle de l'islamisme le plus radical. Et le plus intolérant. En Arabie Saoudite, la charia est appliquée de façon impitoyable. Mais il semble bien que Oussama Ben Laden n'a pas eu à se forcer. Le jeune homme est très pieux. Et il a étudié les principaux textes islamiques. Et c'est en 1979 que sa vie va basculer. Mmh. 1979, c'est l'année où l'URSS envahit l'Afghanistan. Hein. Oui, c'est aussi l'année où Ben Laden va être approché par ce prince turquais Al-Faisal, dont je vous ai déjà parlé. Le tout-puissant chef des services secrets saoudiens. Un mot sur ce personnage ? Turki est le fils de feu, le roi Faisal. Et comme les Ben Laden étaient très proches de la famille royale, Oussama l'avait déjà rencontré. Mmh, d'accord, mais... Pourquoi Turki s'adresse-t-il à lui, là ? Sans doute a-t-il remarqué chez le jeune homme, qui a alors une vingtaine d'années, un véritable sens de l'organisation. À moins qu'il ne l'ait contacté en raison des rapports qu'Oussama entretenait déjà avec la CIA. Déjà ? Oui, Ben Laden, mais personnellement, je n'en suis pas certain, aurait été approché à Istanbul. Mais enfin, peu importe, c'est Turki qui nous intéresse. Turki qui, lui aussi, travaille en étroite collaboration avec la centrale américaine. Mais que demande-t-il alors à Oussama Ben Laden ? De mettre au point le départ des volontaires pour l'Afghanistan et de veiller à leur installation à la frontière pakistanaise. Une mission très importante. Et qui demande, c'est vrai, un sérieux sens de l'organisation. Ben Laden, d'après ce qu'on peut savoir, accepte-t-il tout de suite ? Ah, il est enthousiaste, parce que ce qu'on lui demande correspond parfaitement à ce qu'il pense. Parce qu'il a envie, lui aussi, de participer à ce djihad auquel ont appelé les muftis les plus prestigieux. Et enfin, parce qu'en acceptant cette mission, il obéit aux ordres de la famille royale saoudienne. Aucune objection, donc. Non. Ah. Il faut bien vous rappeler que la cause afghane est alors très populaire, bien au-delà de la sphère musulmane. Tout le monde occidental soutient les moudjahidis. Mmh. Et sa famille, la famille de Ben Laden. Elle est entièrement derrière lui. Elle le restera très longtemps, d'ailleurs. Et même aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle ne l'a pas vraiment lâché, même si les Ben Laden affirment le contraire. Donc, ce jeune homme richissime part pour Peshawar au Pakistan, qui va petit à petit devenir la base arrière des combattants engagés contre l'armée rouge. Mais ce qu'il découvre en arrivant n'est guère brillant. C'est-à-dire ? Sans jeu de mots, c'est le plus grand bazar, le plus grand amateurisme. Tous ces futurs combattants sont pleins d'enthousiasme, mais c'est bien tout. Bref, l'essentiel reste à faire. La formation ? Oui, la formation militaire et idéologique. Alors, fort du soutien financier des Saoudiens, des Américains et des services secrets pakistanais, Ben Laden se met en devoir de construire des camps d'entraînement, des mosquées, des écoles. Et avec les chefs Moudjahidine et la CIA, il organise l'approvisionnement en armes. Il met lui-même la main à la poche ? Certainement. Mais Ben Laden est aussi un homme d'affaires avisé. Il ne rate pas une occasion pour arrondir sa plotte. Parce qu'il sait que la cause qu'il défend aura besoin de toujours plus d'argent. Mmh. Sur toutes les photos là, ou les cassettes télé, on le voit toujours avec une arme dans les mains, Kalachnikov. Hein. Est-ce qu'il a combattu lui-même les Soviétiques ? Il semble qu'il ait effectivement participé lui-même à quelques opérations et qu'il ait pris personnellement des risques. Il y était presque obligé. Ah, question de prestige ? Bien entendu. Mmh. Il devait prouver au Moudjahidin et à tous ses combattants qu'il envoyait de l'autre côté de la frontière affronter les Soviétiques. Qu'il était lui-même capable de prendre les armes. Mais il l'a fait très épisodiquement. Son vrai travail, c'était l'organisation. Et il rendait compte régulièrement au prince Turki. D'ailleurs,

Et alors même que l'Arabie Saoudite est le meilleur allié des États-Unis dans la région. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais la famille royale saoudienne est loin d'être unie, et certains princes qui pensent à la succession du roi Fahd ne sont pas mécontents de poser des banderilles à ces Américains vraiment trop envahissants. Le double jeu, en somme. Oui, mais ça n'est que le début d'un spectaculaire jeu de dupes qui se terminera par la tragédie du 11 septembre. Vous l'avez compris, samedi prochain, Monsieur X poursuit le décryptage de ce dossier du 11 septembre et promet de nouvelles révélations. Quelques livres pour terminer parmi l'abondante moisson consacrée à cet important événement. Au hasard, La mécanique infernale, l'histoire du XXe siècle à travers le terrorisme, de Matthew Carr aux éditions Héloïse d'Ormesson. En 2008, un ouvrage que je vous recommande. CIA et Djihad 1950-2001 de John Cooley aux éditions Autrement. La guerre cachée, Al-Qaïda et les origines du terrorisme islamiste de Laurence White en 2007 chez Robert Laffont et bien d'autres livres, mais vous les trouverez tous sur notre site franceinter.com. À samedi prochain, sur franceinter.com, vous pouvez obtenir des renseignements tant discographiques que bibliographiques. Merci à Valérie Aestaraï, Rebecca de Nantes, Monsieur Joub. Et tout de suite, après le flash, on va dans la verdure, sur le de mon amour de Denis Chessou.